Lettre 7e, Sulpici à Calpurnie. B. Février 301. Que dois-je te dire, ma chère Calpurnie? Faut-il admirer ta gaieté, envier ton bonheur, ou bien avoir pitié de tes prétentions insensées et de ton erreur? Tu aimes, tu restes en présence de l'objet aimé, et tu crois pouvoir comprimer à ton gré tes sentiments, leur prescrire des bornes. De deux choses l'une, ou tu te trompes toi-même, car je ne croirai jamais que tu trompes ton ami, ou tu sortiras trop tôt de ce sommeil mensonger, ou tu es la personne la plus heureuse qui ait jamais existé. Tu dis que tu sais par cœur nos auteurs tragiques. Tu connais donc ce passage. Je crains les dieux lorsqu'ils nous sont trop propices. J'ai bien prévu, d'après ce que Tiridate m'a dit d'Agathoclès, que vous vous rapprocheriez malgré le contraste qui existe entre vous. Peut-être même par cette raison. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu continuasses à jouer avec le sentiment qui t'entraîne vers lui, et que tu conservasses l'espérance de le diriger à ton gré. Que penses-tu donc de l'amour? Quelle idée t'en formes-tu? Puisse la voix d'une amie malheureuse avoir encore la force de te donner un avis salutaire, s'il en est temps? Écoute du moins celle qui connaît, hélas, l'amour mieux que toi. C'est le sentiment le plus fort, le plus doux, le plus puissant qu'un mortel puisse éprouver. Seul, il lui fait oublier pendant quelques instants sa pénible existence et le transporte dans le séjour des dieux. Mais ce bonheur céleste, rarement accordé aux enfants de la terre, n'est pas l'héritage des fils de Deucalion formés par les soucis et les peines. Les dieux punissent celui qui cherche, dans son délire, à se rendre leur égal et veut envahir leurs droits. Il repousse l'audacieux qui ose, dans son enveloppe mortelle, se placer à leur table et prétendre ici-bas au bonheur suprême. N'est-ce pas là le vrai sens de la fable de Prométhée qui s'empare du feu du ciel pour créer, pour animer des êtres parfaitement heureux? Ce n'était point par orgueil, c'était par un amour brûlant de l'humanité, par le désir de connaître, de répandre le souverain bonheur, celui d'un amour éternel. Mais les dieux ont puni ce vol sacrilège. Des siècles de tourments ont été le résultat de sa téméraire présomption. Les dieux punissent ou récompensent l'amour par l'amour même. Dans leur bonté, ils permettent quelquefois à l'un de leurs favoris d'être ici-bas heureux par l'amour. Mais ce ne peut être, que lorsqu'il est avoué par la vertu, par le devoir. Crois-en, ton ami. Des poisons subtils, brûlants, des serpents qui s'enlacent autour du cœur et le déchirent, ou bien un fleuve de délices, tel cet amour dont tu parles avec tant de légèreté. Pour mon éternel malheur, je sens cette vérité, tu l'éprouveras de même. Je voudrais que du moins mon expérience pût te sauver. Je t'en supplie, fuis pendant qu'il en est temps, à moins que tu n'aies la plus grande espérance de succès. Si tu vois, à n'en pas douter, qu'Agathoclès t'aime comme tu l'aimes, que nulle difficulté ne s'oppose à votre union, alors poursuis ta route, toi, la favorite des dieux, et jouis du bonheur, sans porter envie à ta triste amie qui n'eut point un pareil sort, mais qui n'en partagera pas moins ta félicité. Jouis, mais rappelle-toi Némésis, que la crainte de perdre ton bonheur en assure d'autant plus la durée. Oh, ma chère Calpurnie, quelle consolation pour moi quand je te saurai heureuse. Tu es bonne, sensible, aimable et belle. Les dieux, en t'accordant tant d'avantages si rarement réunis, t'ont sans doute destiné au plus grand bonheur qu'ils puissent accorder aux humains. Lui seul éclairera l'obscurité de ma vie. Tiridate est parti d'ici avant-hier pour retourner à Rome et se préparer à un plus grand voyage. Le César Galerius l'envoie à Nicomédie. L'on veut tenter de nouveaux efforts pour obtenir de l'empereur et du sénat qu'il remonte sur le trône de ses ancêtres. On forme une armée. La guerre est déclarée à la Perse. Il s'est passé des choses importantes dans l'Arménie. Des conspirations se sont ourdies pour et contre la race des Arsacides. L'issue de tout ce mouvement est difficile à prévoir. Les dieux seuls le peuvent. Nous devons attendre dans une respectueuse humilité quand et comment ce grand coup sera exécuté. Ah, qu'il est cruel le sort d'une faible et malheureuse femme, attachée à celui des nations et des empires, et qui ne peut faire autre chose que de s'abandonner aveuglément au torrent. Calpurnie, tu es heureuse. Aucun roi ne détruira votre amour. Votre avenir ne sera ni traversé, ni soutenu par la faveur inconstante du peuple. La volonté d'une nation n'influera pas sur vous et sur votre sort. Il vous est permis de vous aimer à l'ombre d'une vie privée, et de vivre ensemble jusqu'à ce qu'une mort douce et paisible rompe les liens qui vous unissent et vous mène l'un après l'autre dans l'Élysée. Avec quelle joie je renoncerai à monter sur le trône des Arsacides si les chaînes qui me lient à Séranus étaient brisées par la volonté toute-puissante d'Auguste, et que je puisse me retirer avec Tiridate dans le coin le plus reculé de la terre. Hélas, je n'ose même faire connaître que tel est mon souhait. Lui, né dans la pourpre et les grandeurs, lui, que la majeure partie de la nation appelle à gouverner, que la voix des peuples demande à grands cris, lui, que ses vertus, plus encore que sa naissance, appellent au trône. Oserais-je, par égoïsme, les priver d'un tel maître et le faire vivre dans l'obscurité? Rien ne pourrait justifier un tel crime, une semblable trahison. Tiridate lui-même, cédant peut-être à l'idée de mon bonheur, à mes vives sollicitations, serait-il heureux dans la solitude et l'isolement? Je suis donc condamné à me taire, à souffrir, à supporter ce qu'il y a de plus cruel pour un cœur tel que le mien, l'absence de ce que j'aime et l'incertitude de l'avenir. Quel silence autour de moi! Que cette journée est longue! Depuis hier, je n'ai pas entendu la voix si douce de mon bien-aimé. Je ne vois plus cette figure céleste, ce regard, ce sourire qui me rendait si fier de l'amour que j'inspire, qui me faisait croire au bonheur, me sont échappés. À présent, je ne connais plus du sort qui nous est réservé que les dangers, les difficultés, les craintes de toute espèce. Oh, mon ami, voilà des maux dont tu n'as aucune idée. Veuille les dieux te les épargner. Qu'est-ce que la mort dans les bras de celui qu'on adore, en comparaison de mes tourments? Je meurs à chaque minute, puisque chaque instant qui s'écoule avance celui d'une cruelle séparation. C'est ainsi que je sens mille fois la mort avant qu'elle vienne me délivrer de mes angoisses. Je suis extrêmement abattu depuis quelques jours. Aux douleurs de mon cœur s'est jointe une indisposition. Dois-je l'attribuer à mes chagrins ou aux désagréments, aux fatigues que m'ont occasionné les soins, les démarches nécessaires pour remettre ici tout en ordre, et surtout avec notre fermier, le plus exécrable des hommes? Adieu, Calpurnie. Cette lettre est assez longue. Je ne puis plus écrire. Après 2 mois d'absence, je touche au moment de voler dans tes bras. Ah, si je pouvais espérer de retrouver Tiridate à Rome, de le revoir encore une fois. Quel bien, quel baume pour mon cœur déchiré, mais je n'ose m'en flatter. J'écris à Séranus de m'envoyer une litière douce et commode. Peut-être viendra-t-il lui-même, ou m'enverra-t-il un de ses amis. J'en serai bien aise, car je crains de voyager seul et de tomber malade en chemin. Je n'ai pas envie de prendre pour m'accompagner des gens d'ici. J'ai trop appris à les connaître. Si mon attente était trompée, je préférais attendre la belle saison pour retourner à Rome. Mais non, je ne puis sacrifier l'espoir de revoir mon Tiridate. Peut-être, hélas, pour la dernière fois de ma vie. Ah, je la donnerai à l'instant pour jouir de ce bonheur, pour le revoir une seule, une dernière fois, avant d'expirer.